Écarte-toi, c'est un conseil, Ray. C'est gaffe, une armée de frères, fais gaffe aux coups de patte, c'est un conseil, 7 qui apparaît pour la guerre. Paraît sur terre-terre, te frappe pas, c'est un conseil. Écarte-toi, c'est un conseil, Ray. 7 qui a une armée de frères, fais gaffe aux coups de patte, c'est un conseil. 7 qui apparaît pour la guerre. Paraît ses dardards, te frappe pas, c'est un conseil. Un conseil, cousin, va chercher un boost de gîte pour écouter notre son qui old school comme la tour de Pise. On braille aussi fort nos rangs qui téléphone au bled. Un conseil, pas sur nos sites, mais des com, bordel. Un petit conseil, l'auditeur, fais croquer mes frères. Parce que la vie passe vite comme le sprint de José Pérez. Un conseil, crois pas que plus c'est comme Monaco. Sinon on serait pas là à faire, ils sont trop crado. Un conseil, l'ami, laisse pas traîner ta sereine. Sinon elle risque de se faire limer, même à l'aveuglette. Un conseil, si tu cherches une taf, y'a plus de métier. Dans ma zone, y'a plus de Montana que Jean-Luc Ritier. Posé avec l'ancien, et qui est ma Odéry. Un conseil, mes textes mettent un chaos technique. Un conseil, frère, c'est tonton l'affreux. Appelle-moi, je suis toujours au fait pour du bon son crasseux. Écarte-toi, c'est un conseil, Ray. 7 gars, une armée de frères, fais gaffe aux coups de patte, c'est un conseil. 7 gars, paraît pour la guerre, paraît sur terre-terre, te frappe pas, c'est un conseil. Écarte-toi, c'est un conseil, Ray. 7 gars, une armée de frères, fais gaffe aux coups de patte, c'est un conseil. 7 gars, paraît pour la guerre, paraît ses dardards, te frappe pas, c'est un conseil. On débarque, faut que ça te réveille une bonne carte. Chaque sonnerie prévient les maîtres et les élèves, on vient la remettre, on s'élève. Un conseil dans nos ruelles, n'y traîne pas trop, c'est cruel, fais pas le chaud dans les duels. Tu veux un conseil, ramène un bon, c'est ce qui concerne les on saigne un conseil, même voir deux, Charles du cas ou l'affreux. Je te déconseille de zapper, j'arrive avec des sales idées, préparez-vous à saliver, c'est un conseil. Calibrer une étincelle et des idées, pas de marqueur celle pour se vider, pas de string ficelle pour m'aguicher, Marine Martel, les foyers, c'est un conseil. Des évus au clair ici, y'a que des exclus de l'inédit, comme les débuts de Zinédine, on trouve tu de l'onilésie. Conseil, apprends à lire entre les lignes, l'oseille me donne une triste mine, c'est comme un rêve qui se termine, le réveil nous la mine. Y'a trop de merde qui me bassine, je débat, c'est un bain de rime, autodidacte sans fin. Écarte-toi, c'est un conseil, Ray. 7 gars, une armée de frères, fais gaffe aux coups de patte, c'est un conseil. 7 gars, paraît pour la guerre, paraît sur terre-terre, te frappe pas, c'est un conseil. Écarte-toi, c'est un conseil, Ray. 7 gars, une armée de frères, fais gaffe aux coups de patte, c'est un conseil. 7 gars, paraît pour la guerre, paraît ses dardards, te frappe pas, c'est un conseil. Écarte-toi, c'est un conseil, Ray. 7 gars, une armée de frères, fais gaffe aux coups de patte, c'est un conseil. 7 gars, paraît pour la guerre, paraît sur terre-terre, te frotte pas, c'est un conseil.